Il y a une série de moutons, une série de moutons qui a été faite par l'imam de la un des imams de la Masjid al-Nabawi, Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Qasim. Et c'est des moutons qui ont été rassemblés en plusieurs volumes. Je pense qu'il y en a 5 en tout. Et dans chaque volume, c'est un degré ou un niveau différent. Donc il y a Mustawa al-Awwal, Mustawa al-Thani, Mustawa al-Thalith, Mustawa al-Rabi' et Mustawa al-Khamis. Et donc chaque degré, chaque niveau, il a ses titres de mouton. Donc, je vais juste mentionner comme par exemple les différents exemples de moutons qu'il y a dans chaque mustawa. Al mustawa al-awwal, il y a nawaqid al-islam, al-qawa'id al-arba'a, al-usul al-thalatha wa adillatuha et al-arba'un al-nawawiyya. Donc ça c'est les quatre moutons qu'il y a dans ce mustawa. Après al-mustawa al-thani, il y a manzumatul bayquniyya. Le deuxième c'est Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwid al Qur'an. Donc ça c'est au sujet du Tajwid. Le premier, Al Bayquniyya, c'est sur Mustalah al Hadith. Mustalah al Hadith. Les sciences qui ont rapport avec la science du Hadith. Le volume 1 c'était plus sur l'Aqidah. Al-Aqidah et Al-Arba'un al-Nawawiyya, c'est Al-Ahkam. Donc le volume 2, c'est mélangé. Il y a Al-Mustalah, Mustalah al-Hadith, et Al-Bayquniyya, c'est un petit poème de 34 vers avec des règles sur le Hadith. Tuhfatul Atfal, c'est aussi en forme de poème, mais c'est sur les règles du Tajwid. Pour les enfants, pour les débutants. Mais c'est bon aussi pour les adultes, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne les connaissent pas. Le livre numéro 3, c'est Shurutu Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha. Ça, c'est sur le fiqh. Et c'est fiqh al-salat, fiqh al-wudu et ahkam al-salat. Donc, c'est un très bon livre, ça aussi. Ça explique les conditions de la salat. Les piliers et les obligations de la salat. Et le numéro 4, c'est Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqun ou alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Et ça, c'est le livre de Kitab al-Tawhid, il est connu, le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, au sujet du Tawhid. Al-Mustawa al-Thalith, il y a dedans Manzumat Abi Ishaq al-Idiri. Ou Al-Ilbir. Ça, je pense que c'est sur. En tout cas, je ne suis pas sûr. Je ne connais pas en fait celui-là. Mais je vais vérifier, on va regarder après. Il y a ensuite Al-Muqaddimatul Ajurumiyya. C'est dans Nahu, Ilmun Nahu. Le troisième, c'est Al-Aqidatul Al-Wasitiyya. Al-Wasitiyya, c'est Al-Aqidah. C'est un livre de Ibn Taymiyyah sur l'asma wa sifat et l'Aqidah de Ahl al-Sunnah. Al-Mustawa al-Rabi', c'est le premier, c'est Al-Waraqat. Al-Waraqat, c'est un livre sur. C'est écrit par l'imam al-Juwayni, imam al-Haramayn. Al-Juwayni. C'est sur Usul al-Fiqh. Le deuxième, c'est Unwan al-Hikam. Je ne le connais pas, celui-là. Et le troisième, c'est Ar-Rahabiyya. Ar-Rahabiyya, c'est sur les règles de l'héritage. C'est une manzouma sur les règles de l'héritage. Et Al-Aqidah al-Tahawiyya, c'est un résumé de l'Aqidah de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah par l'imam al-Tahawi. Un des imams des salaf. Et Al-Mustawa al-Khamis, c'est plus le fiqh. C'est les hadiths de Bulugh al-Maram Et il y a aussi Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, c'est un livre de fiqh Hanbali. Et Alfiyat ibn Malik. Alfiyat ibn Malik, c'est un livre de grammaire arabe, mais il y en a très avancé, sous forme de poème. C'est pour ça qu'on l'appelle Alfiyat. Parce qu'il y a 1000 vers dedans. Naam. Donc, c'est mis par ordre de difficulté. Et après, il y a une petite introduction sur la méthodologie, comment on peut mémoriser les motons. Donc, ça peut être utile pour nous aider. Comment faire pour mémoriser les motons? Parce que les motons, comme les ulama, ils mentionnent, c'est que ces motons-là, c'est comme, ça fait partie des usul. Ça fait partie des usul, des fondements. Et dans chaque science, il y a un matin. Dans chaque séance, il y a un matin que les ulama ont composé et écrit pour faciliter la compréhension du sujet ou de la science en question. Donc, si tu veux étudier, par exemple, al-hadith ou al-fiqh ou, par exemple, mustalah, usul al-fiqh, nahu, peu importe la science ou le domaine que tu veux étudier, eh bien, les ulama, ils ont écrit dans cette science un matn pour les débutants qui sert d'introduction à cette science et qui renferme les points les plus importants qui sont reliés à cette science pour être capable d'avoir une base solide dans cette science-là. Si quelqu'un rentre dans une science et qui n'a pas bien appris les bases, bien, il va apprendre des choses, mais il ne va jamais être vraiment bien ancré, fermement ancré dans la science. Et c'est ça, il faut les bases. Il y a des ulama qui ont résumé ça en disant Man muni'a al-usul, hurima al-usul. Celui qui n'a pas les bases, eh bien, il n'arrivera pas. Hein? Il ne pourra pas arriver à son objectif ou à sa destination. Et donc, c'est ça la réalité, en fait. Et c'est pour ça, donc, que les ulama, ils ont mis dans chacune de ces sciences-là un matin. Et la façon dont les ulama faisaient dans le passé, la méthode traditionnelle pour étudier l'islam, eh bien, c'était de cette façon-là. Premièrement, ils commençaient par le Coran, ils mémorisaient le Coran. Il le lisait à un cheikh, tu vois, il le lit à un cheikh et que le cheikh lui, il le corrige, hein. Après, quand il a fini avec le Coran, il passe à yani al-lugha, hein, al-nahu. Il mémorise un matin comme al-jurumiya ou quelque chose comme ça, et après il le lit à un cheikh, le cheikh il lui explique, il passe à une autre science. Et c'était comme ça avant. Après, il va mémoriser quelque chose dans le hadith, dans l'aqidah, et c'était comme ça, ainsi de suite. Après, il passe à quelque chose de un niveau, une fois qu'il a fait le tour de ces sciences-là, il a fait le début, il passe à un autre degré, quelque chose d'un peu plus compliqué maintenant. Et là, il fait la même chose. Il apprend un matin qui est un peu plus compliqué, ou bien le sharh d'un matin, l'explication d'un matin. Et là, il avance un petit peu plus. Et le cheikh, il lui explique. Hein? Il le mémorise par cœur. Hein? Il le comprend comme il faut et complètement. Après, il passe à un autre. Donc, c'est pour ça qu'avant, les ulama, ils étaient plus forts. Dans le sens qu'aujourd'hui encore, il y a des grands ulama. Mais je veux dire, dans le passé, les ulama étaient plus grands qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils avaient cette méthodologie-là et avaient plus de ulama et disons qu'il y avait moins de distractions aussi. Les gens étaient moins occupés par toutes sortes de choses qui nous distraient aujourd'hui à notre époque. D'accord? Et puis bon, Allahu a'lam yani, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il ne peut pas y avoir des grands ulama aussi, mais comparé aux premiers, non, c'est pas possible. Mais quand même, alhamdoulilah, il y a des possibilités d'étudier et d'apprendre la science. Le problème des jeunes beaucoup aujourd'hui, le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils veulent apprendre la science sans suivre cette méthodologie-là et sans prendre les étapes. Et à cause de ça, ils n'obtiennent pas de science. aussi parce qu'ils veulent prendre la science par eux-mêmes. Ils veulent apprendre tout seul dans des livres, être des autodidactes, hein, ou bien prendre des livres puis lire puis penser que sans les ulama ils peuvent comprendre les livres ou ils peuvent comprendre la science. Et ça c'est une grave erreur et beaucoup tombent dans l'égarement à cause de ça. Quelqu'un par exemple, il dit « Ah, moi je suis étudiant, j'ai étudié à l'école toute ma vie, je suis intelligent. J'ai étudié en économie ou en sciences, physique, mathématiques. Donc je suis intelligent, je veux prendre les livres d'islam, puis les lire tout seul, puis comprendre comme les ulama. » Et peut-être même il pense qu'il va comprendre mieux que les ulama, parce qu'il pense qu'il est plus intelligent qu'eux. Et à cause de ça, il s'égare. Il tombe dans des contradictions et dans des égarements. Il s'égare lui-même, il égare les autres avec lui. Donc c'est pour ça que il faut retourner aux ulama de l'islam. Comme si tu veux apprendre la médecine, tu vas aller étudier avec des médecins et des professeurs. Tu ne vas pas aller apprendre n'importe, comme ça tout seul avec les livres pour devenir docteur ou chirurgien ou, hein, ou architecte ou ingénieur. Tu ne vas pas apprendre tout seul dans les livres. Après, tu commences à faire des plans ou à écrire ou à faire des trucs. Tu veux construire un pont ou tu veux faire une opération sur un malade, tu veux faire une chirurgie. Avec ça, tu vas tuer des gens, tu vas faire des ponts qui vont s'écrouler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris de la façon correcte. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, si quelqu'un devient architecte, pour qu'il fasse des plans, il faut qu'il soit testé. Il faut qu'on ait vérifié qu'il a vraiment bien appris pour qu'on dise que c'est un architecte agréé. Il doit avoir une certification, et ainsi de suite. La même chose pour la médecine. La même chose pour les autres sciences, les autres domaines. Mais l'islam, c'est encore plus important. Parce que c'est la religion d'Allah. Parce que c'est ta dunya et c'est ton akhira. Donc c'est beaucoup plus grave. Si tu te trompes dans ta religion, c'est plus grave que tu te trompes dans la dunya. Hein? Donc le cheikh il a écrit ça et puis il dit la façon la plus facile pour mémoriser les moutons. Il dit al mudawamatu ala hifz al mutun. Al mutun jam'u matn. C'est le pluriel du mot matn et al matn c'est un texte, hein. Et c'est-à-dire, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, un texte de base, ok? Comme par exemple, Al-Usul al-Thalatha, ça c'est un matin. Après, de ce matin, les ulama ils vont expliquer ce matin dans des shuruh, c'est-à-dire des livres qui sont expliqués. Et il y a qu'est-ce qu'on appelle aussi des nazm ou manzumat. Et ça, c'est des matins sous forme de poésie qui facilite la mémorisation de ce matin. Ok? On va donner des exemples après. Donc il dit al-mudawamatu ala hifz al-mutun wa adam al-ikthar min al-mahfuz al-yawmi. Donc il dit de constamment, hein, de rester constant dans la mémorisation des mutun. Une fois que tu as mémorisé un matin dans une science et que tu l'as mémorisé parfaitement, et que tu la maîtrises, tu maîtrises ce matin, eh bien, après, tu le revises constamment. Donc, le fait de le reviser constamment pour ne pas l'oublier, ça fait que cette science, elle reste toujours avec toi. Et tout ce que tu vas avoir par la suite, tu vas bâtir par-dessus ce matin. Peut-être que dans le matin, à la base, il y a des erreurs, ou il y a des choses qui ne sont peut-être pas correctes. C'est pour ça que tu le lis au cheikh. Le cheikh, il te corrige, ou bien il te clarifie dans le matin qu'est-ce qui est correct ou qu'est-ce qui n'est pas correct. Et il te ramène les adillas et les preuves, parce que des fois dans le matin, il n'y a pas toutes les preuves. Hein? C'est juste un résumé de la science. Après, il dit, وَعَدَمُ الْإِكْثَارِ مِنَ الْمَحْفُوظَ الْيَوْمِ. C'est-à-dire, si tu veux mémoriser un matin, tu ne dois pas te mettre une charge qui est trop lourde. pour toi. Comme si tu vas dire, par exemple, je veux mémoriser 10 phrases. Peut-être que 10 phrases, c'est beaucoup. Donc tu vas dire, je veux mémoriser 10 phrases. Tu commences, tu essaies de mémoriser 10 phrases ou 10 lignes, et puis tu réalises que le lendemain, tu les as oubliées. Donc, c'est mieux de commencer par quelque chose de plus petit, puis après, graduellement, peut-être tu vas être capable de faire plus par la suite, mais pour commencer, commence par 2 ou 3 lignes, hein, puis après tu avances. Comme ça, tu es sûr que ce que tu as appris, ça va rester. وَالتَّأَنِّي فِي الْحِفْظِ C'est-à-dire de prendre son temps, d'y aller doucement, okay, de ne pas se précipiter dans la mémorisation. وَالنَّهْجُ الْعُلَمَا Ça, c'est la méthode, c'est la voie des ulama. قال الزهري رحمه الله إنما جمعنا هذا العلم بالحديث والحديثين والمسألة والمسألتين. سبحان الله. Donc, qu'est-ce qu'il dit à l'imam al-Zuhri? L'imam al-Zuhri, c'est un des grands imams des salaf. Okay. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on a réuni cette science en commençant par un hadith ou deux, ou bien une question, un point dans la science ou deux à la fois. C'est pas essayer de tout apprendre d'un seul coup, comme certains parfois, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient d'apprendre la science, ils veulent apprendre tout, des gros morceaux en même temps. Alors que non, la science, ça se prend petit à petit, goutte à goutte, hein? Et puis ça se prend sur des longues périodes de temps. C'est pas toute la vie. Non, exactement. Donc c'est pas quelque chose comme tu dis, bon là, comme maintenant c'est devenu à la mode de faire des séminaires, puis dans un séminaire par exemple, une semaine tu vas étudier un livre avec un chef, ou en 3 jours. C'est dans un séminaire, ils vont le chercher, ils commencent le livre jusqu'à la fin. Ça, c'est bénéfique, mais c'est pas juste comme 3 jours ou une semaine qui va faire que tu vas apprendre comme il faut ce livre. C'est avec le temps, subhanallah, et que petit à petit, tu vas voir que en suivant les cours avec la main, que la science vient. C'est pas d'un seul coup. Après, il dit والمتن إما أن يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون نثرا أو نظما. Donc il dit le matin, soit que c'est un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, comme الأربعون النووية, les 40 hadiths de l'imam النووي, il a rassemblé des hadiths, ça c'est la base de son livre, c'est un matin. Maintenant, tu vas trouver d'autres livres des ulama qui expliquent ces hadiths-là en détail. Et puis, il y a des degrés de détails. Certains de ces explications-là, ils vont expliquer le hadith, ils vont faire 3-4 pages pour chaque hadith, ou plus, ou moins. Et il y en a d'autres, ils vont juste mettre, par exemple, ils vont expliquer chaque mot, ils vont donner une petite phrase pour expliquer. Ils vont expliquer le hadith en une demi-page ou une page, ou moins. Hein? Donc c'est pour dire Arba'un Nawawi, il y a plusieurs shuruh des ulama maintenant. Il y a le charh de Ibn Daqiq al-Aid, il est très très petit. Il y a le charh de Mohamed Hayat al-Sindi, un des shuruh de Al-Madina. Il a un charh, c'est un petit résumé aussi. Il fait une explication de chaque hadith en une page. Chaque mot, il l'explique avec un petit résumé. Et il y a le charh de Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, qui est un petit peu plus long. Et il va expliquer, par exemple, il mentionne le hadith. Et après, à chaque hadith, il mentionne qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith. Il mentionne point par point, hein, selon le nombre de fawa'id qu'il y a dans le hadith. Sinon, il y a aussi le charh de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen, qui est un petit peu plus élaboré. Le charh de Cheikh Salih Al-Fawzan, qui est encore plus élaboré. Le charh de Cheikh Salih Al-Sheikh, qui est encore plus élaboré. Et si tu veux continuer comme ça, il y a aussi le charh de l'imam Ibn al-Mulaqqim, aussi, qui est un petit peu plus résumé. Il y en a d'autres encore. Donc c'est pour dire que il y a toujours possibilité d'avancer après par la suite, une fois que tu as mémorisé les hadiths. Après, il y a d'autres types de moutons qui sont des nathr. Et un nathr, c'est quoi? C'est un texte écrit. Comme par exemple, à la Jurumiya. À la Jurumiya, c'est un texte. Hein? Et par exemple, al-Waraqat. C'est un texte. C'est pas en forme de poème. C'est juste des textes écrits. Ou bien par exemple, un exemple de nathr. Al-Usul Salasa ou Al-Qawa'id Al-Arba'a, les trois fondements, les quatre règles, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des exemples. Ou bien, par exemple, Al-Aqidat Al-Wasitiya, ou bien Al-Aqidat Al-Tahawiya. C'est des exemples de Nathr. Et il y a d'autres que c'est des Manzoumat ou Nazm. C'est-à-dire que l'information est mise sous forme de vers et donc il y a un rythme. Ok? Il y a un rythme et donc ça facilite la mémorisation. Pour certaines personnes, c'est plus facile. Pour d'autres, ils peuvent mémoriser parfois le nathr plus facilement que le nazm. Hein? Ça dépend des personnes des fois. Et Il y a plusieurs livres qui sont écrits comme ça, sous forme de nathr. Comme j'ai dit tout à l'heure, Al-Fiyat ibn Malik, ça c'est un exemple. Sinon, il y a les livres d'Al-Hafiz al-Hakami. Beaucoup de ces livres sont des manzoumat. Il a mis sous forme de vers plein de livres sur différents sujets. Dans l'aqida, dans le fiqh, dans l'usul, il y en a dans plein de domaines. Et parmi les chouyoukhs aujourd'hui qui mémorisent beaucoup, presque tous les moutons de Cheikh Mohammed, Cheikh Al-Hafiz Al-Hakami, c'est le Cheikh Mohammed bin Hadi Al-Madkhali. Il les mémorise par cœur. Et des fois, comme ça, il les sort comme ça en plein discours. Et tout d'un coup, il sort des vers et puis il commence à les citer. Puis après, il les explique. Et subhanallah, il est très fort dans ça. Yani, mashallah, barakallahu fi. Hafizahullah. Et il y a également d'autres exemples de manzoumat comme Al-Bayquniya. Al-Bayquniya, comme on l'a dit tout à l'heure, dans Mustalah Hadith, les sciences du Hadith. C'est-à-dire les terminologies qui sont employées par les ulama pour désigner les différentes catégories de hadith selon leur niveau, soit authentique ou faible ou hassan, al-sahih ou al-hassan ou al-da'if, et toutes les différentes catégories. Donc il y a ça, il y a des manzoumat dans le nahu aussi, comme nazm al-jurumiya, et il y en a dans presque toutes les sciences, usul al-fiqh. Par exemple, al-waraqat, il a été mis sous forme de vers. Il y a un cheikh qui s'appelle al-Imriti. Al-Imriti, un égyptien, il a mis sous forme de vers plusieurs livres de différentes sciences. Comme il a fait le nazm de al-Jurumiya, il a fait le nazm de al-waraqat, et d'autres, et il a fait aussi un nazm d'un livre de fiqh. Donc il y a des manzoumat dans les livres de fiqh aussi. Il y a un livre de fiqh aussi, Shafi'i. Je me rappelle, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il le citait, puis il mentionnait qu'il avait étudié ce livre-là. Ça s'appelle Az-Zubad. Az-Zubad. Et ça, c'est un livre de fiqh. Mais sous forme de poésie. Mais il y en a beaucoup d'autres encore. Il y en a qui sont plus courts. Il y en a qui sont plus longs selon la difficulté ou le niveau des élèves. Donc il dit مقدار ما تحفظه من المتون ما يلي. Donc la quantité de ce que tu dois mémoriser à partir des moutoun, c'est tel que le cheikh il va l'expliquer. Il mentionne le premier point. إذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فاحفظ كل يوم ثلاثة أحاديث. Donc il dit, si le matin que tu mémorises fait partie des moutons de hadith. Il dit, essaie de mémoriser chaque jour trois hadiths. Un exemple de matin dans le hadith, c'est celui-là. Après, en général, ça c'est Amdatul Ahkam, c'est le livre qu'on étudie en ce moment avec le charh de Cheikh Al-Bassam. Mais celui-là, il n'y a pas de charh, c'est seulement le texte. C'est ça qu'on appelle le matin. Ok? Et il dit, chaque jour, tu essaies de mémoriser trois hadiths. Bien entendu, il y a un cheikh et il donne ça comme conseil. Si c'est un livre de hadith, de faire trois. Mais selon ton niveau aussi, si tu n'es pas capable de faire trois, tu vas faire moins. Et avant celui-là, l'ulama, il conseille de commencer par Al-Arba'un al-Nawawi, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc si tu n'as pas mémorisé encore les 40 hadiths, tu commences par les 40 hadiths. C'est-à-dire que c'est bien de les lire et de les connaître de façon générale, mais de les mémoriser par cœur, c'est mieux. Pourquoi? Parce que la science, quand tu la mémorises, c'est comme si tu l'as attachée. Reste avec toi. Et les imams, parmi les ulama, il y en a qui disaient, ta science, c'est uniquement ce que tu peux amener avec toi aux toilettes. Dans le sens que le livre, tu ne peux pas l'amener avec toi aux toilettes. Mais la science que tu as mémorisée dans ton cœur, tu l'amènes partout avec toi. Même dans les toilettes. C'est-à-dire que si tu es quelque part ou tu es dehors, tu n'as pas le livre avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un te pose une question ou tu as besoin de quelque chose, d'une science quelconque, tu n'as pas le livre avec toi. Mais si tu l'as mémorisé, le livre il est avec toi parce que tu l'as dans ton cœur. N'importe quelle information que tu as besoin, tu le sens comme ça à volonté parce que tu l'as mémorisé. C'est ça qui fait la différence entre les tolabain et les gens ordinaires. Tu vois, lorsqu'ils vont mentionner quelque chose, ils le mentionnent et ils le mémorisent exactement. Comme ça, ils ne vont pas déformer la parole d'Allah ou la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont distinguer entre ce qui est sahih, ce qui est daif, hein, ou pas attribuer des paroles au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a pas dit. Donc, un exemple, trois hadiths par jour, ça dépend. Il y a des hadiths qui sont très longs, des hadiths qui sont très courts. Donc tu vas regarder un livre selon ta capacité, selon ta force, et aussi des fois selon la journée. Hein. Parce qu'il y a des journées où tu es plus motivé que d'autres. Et la motivation, ça joue un grand rôle dans ça. Il dit, « Fahfaz kulla yawmin thalathatu ahadith » Trois hadiths par jour. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? ثانيا إذا كان نثرا فاحفظ جملة مفيدة منه لا تزيد على خمسة أسطر. Il dit, si c'est un nathr, c'est-à-dire c'est un livre avec un texte, et il dit, mémorise une phrase complète, jumla mufida, qui ne dépasse pas cinq lignes ou cinq phrases, hein, cinq lignes. C'est-à-dire, plutôt cinq lignes, pas cinq phrases. Cinq lignes. Et il dit, ثالثاً, إذا كان منظوماً فلا تزد على حفظ ثلاثة أبيات. Donc, si c'est un poème, sous forme de poésie, ne dépasse pas trois vers. نعم نعم طوافع وبهذا المقدار المتأني مع التكرار يرسخ المحفوظ بإذن الله. Il dit, avec cette portion que tu vas mémoriser, que tu vas aller doucement, et en répétant constamment التكرار, tu le répètes tout le temps, ça va rester ancré dans ta mémoire et tu vas pas l'oublier بإذن الله. طريقة حفظ المتون ما يلي. Il dit, la façon de mémoriser les moutons, c'est la suivante. Là, il nous donne des règles ou des moyens pratiques pour mémoriser. C'est-à-dire des méthodes pratiques qu'on peut appliquer. Attends, juste un instant, parce que je... Donc, le cheikh dit, أولاً كرر المقدار الذي تريد حفظه 20 مرة حفظا وأفضل وقت للحفظ بعد صلاة الفجر. Donc il dit, répète la portion que tu veux mémoriser 20 fois par mémoire, de mémoire. C'est-à-dire, quand, une fois que tu as mémorisé la portion que tu voulais, essaie de la répéter sans regarder 20 fois de mémoire. Et il dit que le meilleur moment pour mémoriser, c'est le matin après Salat al-Fajr. Deuxièmement, il dit كرر بعد العصر أو بعد المغرب ما حفظته في الفجر 20 مرة حفظا. Donc il dit, répète après l'asr et ou après le maghrib ce que tu as mémorisé après le fajr 20 fois par de mémoire. Donc tu as mémorisé quelque chose après le fajr, après l'asr tu le revises encore 20 fois, tu le répètes 20 fois par mémoire, ou bien après le maghrib. Donc comme ça, ça va être plus fort, plus ancré dans ta mémoire. Peut-être des fois tu dois même ajouter plus que 20 fois, ça dépend. Hein? Si tu veux ajouter plus que 20 fois des fois, donc pour que tu vas être certain que tu vas pas l'oublier, inshallah. Le point numéro 3, min al-rad wa qabl. وقبل أن تبدأ في حفظ المقدار الجديد اقرأ ما حفظته أمس 20 مرة حفظا. C'est-à-dire le lendemain, avant de mémoriser ta nouvelle portion, répète ce que tu as, relis ce que tu as mémorisé hier 20 fois de mémoire. D'accord. Donc, comme ça, ça reste. Tu le revois encore une fois, tu le revises encore une fois. Et quatrièmement, ثم اقرأ حفظا ما حفظته من أول المتن حتى تصل إلى موطن الحفظ الجديد. Donc, il dit quoi? Il dit puis ensuite, lis de mémoire ce que tu as mémorisé depuis le début du matin jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit de la portion de nouvelle de qu'est-ce que tu vas mémoriser de nouveau. Cinquièmement, بعد ذلك ابدأ في حفظ الدرس الجديد بالطريقة نفسها. Il dit, et après commence à mémoriser le nouveau dars de la même manière que tu l'as fait, c'est la nouvelle partie que tu veux apprendre, commence à la mémoriser de la même manière que tu as mémorisé la partie précédente. Sixièmement, كرر هذه الطريقة يوميا حتى تنتهي من حفظ المتن ويرسخ المحفوظ. Donc il dit, quand tu répètes cette méthode quotidiennement jusqu'à ce que tu aies mémoriser le matin et que cette mémorisation soit fermement ancrée dans ta mémoire. وبهذه الطريقة سر في كل متن تحفظه. وبهذه الطريقة سر في كل متن تحفظه. C'est-à-dire, continue de cette façon et avance de cette façon pour chaque matin que tu vas mémoriser. مع ضرورة مداومة مدارسة العلم حفظا ومراجعة وقراءة للكتب وحضور دروس العلماء وملازمتهم والسؤال عن ما أشكل من مسائل العلم. Donc il dit avec de cette méthode, donc il dit après tout un tout en restant conscient de la nécessité de continuer à étudier la science, de la mémoriser, de la reviser tout le temps, et de lire les livres, et d'assister aux cours des ulama, et de rester avec eux constamment, et de poser des questions au sujet des choses qui te qui te posent de la difficulté dans la science, des choses que tu as trouvé compliquées à comprendre, tu demandes aux savants, aux hommes de science, pour qu'ils te l'expliquent et pour qu'ils te clarifient au fur et à mesure que tu avances. Il y a une chose que je me rappelle, Cheikh Mokbel, il disait dans ses durus, il disait, avant d'aller à un dars, lis le qu'est-ce que tu vas apprendre. Lis le sujet du cours que tu vas apprendre avant d'y aller. Et tu regardes qu'est-ce que tu dois comprendre de ce cours-là. Après, tu assistes au cours. Tu écoutes, tu prends des notes, tu essaies de comprendre, tu poses des questions. Quand tu retournes chez toi, tu reprends le livre et tu le revises encore une fois tout seul. Il dit, celui qui va faire cette méthode, il a dit, celui qui fait ça, il va devenir plus savant que moi. Cheikh Mokbel, il a dit, celui qui fait ça, il va devenir plus savant que moi. Donc, rahimahullah. Le Cheikh, il dit, wal hifz innama huwa bit-tikrar wa rusukh al-mahfuz bi-kathrat tikrarih. Donc, la mémorisation, c'est uniquement par le fait de répéter. Et il dit que le fait que la chose reste dans ta mémoire, c'est selon la quantité de fois que tu le répètes. وهذا دأب الراسخين في العلم. Et ça, c'est l'habitude des gens qui sont fermement enracinés dans la science. وقد كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يعيد مقدار الحفظ 100 مرة. سبحان الله. Donc, Abu Ishaq al-Shirazi, rahimahullah, un des ulama de fiqh, hein, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'il dit à son sujet? Il dit que la portion qu'il voulait mémoriser, il la répétait 100 fois. Donc, tout à l'heure, quand je disais que des fois, il ne faut pas se limiter à 20 fois, ben, on a un exemple ici. Hein, il le répétait, lui, une centaine de fois. إلكياء الهراس رحمه الله يعيد مقدار الحفظ 70 مرة وإليك هذه القصة التي تظهر لك أن قلة التكرار سبب سرعة النسيان. Il dit que là je te mentionne une histoire qui montre que yani, le fait de répéter peu, yani, ça fait que c'est une cause de la rapidité de l'oubli. Le fait de répéter peu, c'est une cause de la rapidité de l'oubli. Qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit, قال ابن الجوزي رحمه الله وحكى لنا الحسن يعني ابن أبي بكر النيسابوري أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة فقالت له عجوز في بيته قد والله حفظته أنا فقال أعيديه فأعادته. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ibn al-Jawzi, il a dit, Al-Hassan ibn Abi Bakr al-Naysaburi, il nous a raconté qu'il y avait un faqih qui répétait le dars dans sa maison plusieurs fois. Il répétait le dars plusieurs fois dans sa maison. Il y a une vieille femme dans sa maison, elle a dit, par Allah, moi, je jure que je l'ai appris par cœur. En l'entendant répéter, elle a dit, moi, je l'ai appris par cœur. Alors il lui a dit, répète-le alors par mémoire si tu l'as appris par cœur. Alors elle l'a répété. Il dit, فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ يَا عَجُوزٌ أَعِيدِي ذَلِكَ الدَّرْسِ فَقَالَتْ مَا أَحْفَظُهُ قَالَ أَنَا أُكَرِّرُ عَدَّ الْحِفْظِ لِأَلَّا يُصِيبَنِي مَا أَصَابَكِ. Donc, après quelques jours, il a dit, « Oh, toi, vieille dame, répète ce dars que tu avais mémorisé. » Elle a dit, « Je ne le mémorise pas, c'est-à-dire je l'ai oublié. » Il a dit, « Moi, je répète plusieurs fois la mémorisation de ce dars pour pas que je sois atteint de ce qui t'a, de ce qui t'est arrivé. » C'est-à-dire de ce, pour pas que j'oublie comme toi, tu as oublié. Et là, donc il dit, Kaifa uraji al-mutun. Donc là maintenant c'est un autre sujet. Comment on fait pour reviser les moutons? Comment on fait pour reviser les moutons? Il dit, Iza hafizta mutunan mutanawi'atan fi funun al-ilmi faraji'aha. لتكون أرسخ في الأرسخ في العلم في الحفظ. Il dit, si tu as mémorisé des moutons dans des sciences diverses sciences, alors revise-les pour que ce soit plus ferme dans ta mémoire, plus mieux ancré dans ta mémoire. وأظهروا في الاستحضار. C'est-à-dire que lorsque tu as besoin de ramener quelque chose de ta mémoire ou de mentionner quelque chose de mémoire, ça va être plus facile de le rappeler, de t'en rappeler et de le dire sur le moment. Des fois, tu as besoin d'un hadith et tu en as besoin sur le champ. Pendant que tu es en train d'expliquer quelque chose dans un dars ou dans une discussion ou dans un... peu importe l'occasion, tu as besoin de mentionner la preuve pour la question ou pour le sujet. Donc, il faut que tu sois capable de ramener le hadith à ta mémoire ou la ayah dans le Coran ou la parole des ulama. Tu as besoin de l'avoir à portée de la main. Et pour que ce soit plus rapide, eh bien, il faut que tu revises cette science tout le temps. Et les moutons en particulier. وَأَصْرَعُ فِي الْإِسْتِدْلَالِ, c'est-à-dire que tu puisses amener les preuves plus rapidement. وَمِمَّا يُعِينَ, يعني un des ulama, un parmi les ulama de notre époque qui est vraiment surprenant et étonnant dans sa façon, dans sa rapidité de ramener les adillah et dans la rapidité et puis la quantité aussi de preuves qu'il ramène, c'était Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz. يعني, subhanallah, le nombre de versets et le nombre de hadiths qu'il peut rapporter en très très peu de temps sur un sujet, c'est étonnant comment il faisait. Et si tu veux une preuve de ça, regarde les livres qui sont écrits. La plupart de ces livres sont basés sur des conférences qu'il a données, qui ont été retranscrites par la suite. Et bien, tu vois, subhanallah, des fois c'est deux pages, trois pages de versets du Coran et des hadiths seulement de sa mémoire. Cheikh Ibn Baz, il n'est pas voyant, il était aveugle. Donc il commence à citer des versets, il ne s'arrête plus. Après il commence à citer les hadiths, il ne s'arrête plus. Après il commence à citer des athars et des paroles des sahaba, des paroles des salaf, il ne s'arrête plus. Mais tout ça de sa mémoire. Après il ramène les paroles des ulama dans les livres de fiqh. Et même parfois, il te cite même le numéro de la page. Donc c'est pour te dire, c'est un alim, subhanallah, étonnant et surprenant dans sa science et dans sa mémoire et tout ça. Rahimahullah. Non. Exactement, comme le frère dit, ils ont donné toute leur vie pour étudier cette science. Et comme un autre aussi qui me rappelle ça, c'est aussi Mohamed Amin al-Shanqiti, Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, qui a écrit le tafsir Abwa al-Bayan. Subhanallah. Je ne sais pas si vous avez, mais il y a des audios de lui, des enregistrements de ses durus. Moi, je vous dis, écoutez ses durus pour voir comment il fait ses cours. Et quand tu l'écoutes parler, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de lire une feuille. Tu vois, c'est quelqu'un, quand il parle, il, comme s'il est en train de lire une feuille, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête même pas pour respirer. C'est sans arrêt, du début jusqu'à la fin. Et il explique, il cite des paroles de ulama, il cite des poésies, il cite des. Yani surtout dans son tafsir, Abu al-Bayan. Il y a des passages de ce tafsir qui sont enregistrés et que tu peux les trouver facilement sur Internet. Tu écris en arabe dans la barre de recherche sur Google, tu écris Cheikh Mohamed Amin al-Shankiti, yani tafsir durus ou tasjil, écrit. Et qu'est-ce qu'il dit donc? Après avoir mentionné des exemples comme ça, il y a aussi Ibn Taymiyyah. Attends, tu lis les livres d'Ibn Taymiyyah. Bon, on n'a pas de cassettes ou des audios d'Ibn Taymiyyah, mais quand tu lis ses livres, tu vois sa force. Il cite des ayats sans arrêt. C'est touché à tout lui. Ah non, il était vraiment fort. Ah oui, non, c'est ça. Tu lis ses livres, c'est Majmu' Fatawa et d'autres. Tu vois ça, c'est vraiment, mashallah, un grand travail qu'il a fait pour la Ummah. Ensuite, il dit, il dit, « وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى إِتْقَانِ الْمَحْفُوظِ قِرَأَتُهُ عَلَى غَيْرِكَ حِفْظًا » Il dit, parmi les choses qui t'aident à maîtriser ce que tu as mémorisé, c'est de le lire, de le réciter à quelqu'un de mémoire. Donc, tu t'assois avec quelqu'un, puis tu lui lis ce que tu as mémorisé. Ça t'aide à maîtriser ce que tu as mémorisé. Et c'est pour ça que les ulama, comme par exemple, j'ai entendu dans les durus de Cheikh Mohamed bin Hadi et d'autres ulama aussi, qui conseillent que le talib ilm, la personne qui cherche la science, elle se trouve un compagnon dans la science. Quelqu'un avec qui elle va reviser sa science et sa mémorisation. Et donc, elle va s'asseoir avec cette personne. Et elle va lui lire ce qu'elle a mémorisé, et lui va lui lire ce qu'il a mémorisé aussi. Et ils revisent ensemble, et ils s'aident dans la science. C'est ça qui est important. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à trouver ici. C'est-à-dire dans les pays, des pays où les gens, ils ne cherchent pas la science. Parce que les gens, ils ont d'autres choses à faire, ils sont trop occupés des fois. Tu vois, malheureusement. Donc, trouver un compagnon qui va être libre, et qui va être capable de donner de son temps, et que toi tu vas être capable de lui donner de ton temps pour pouvoir reviser la science, ça c'est très très très important. C'est fondamental. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux reviser la science. Et c'est pour ça que je disais aux frères, si on va faire des périodes d'études, de mémorisation, de revision, il faut que chacun qui vient assister à ces sessions-là, il faut que chacun se trouve un compagnon et qu'il soit assidu avec lui à faire ses révisions, à faire ses mémorisations, à mémoriser ensemble et à s'entraider. Inch'Allah, on doit tous s'entraider, même dans ces choses-là. Qu'est-ce que tu dis pour la salat al-jama'a, pour le wudu, pour toutes les choses de la religion? C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui tu es comme un compagnon et qui t'encourage. Lorsque tu as un moment de faiblesse, ou lorsque tu te sens paresseux, ou lorsque tu es fatigué, lui, il te donne de la force, il t'encourage, il te rappelle qu'est-ce qui est bon. Comme ça, tu vas pas t'affaiblir facilement. Hein? Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manque, et c'est des choses qu'il faut faire, hein. C'est pas, y a rien de mal là-dedans. Mais on vit à une époque où, les gens, ils disent mets-toi de tes affaires, ça c'est ma vie, ça, c'est ma vie privée, c'est des choses comme ça. Et ça, ça fait pas partie de l'islam. Dans le sens que c'est sûr qu'on a notre vie privée, on a des choses personnelles. Mais le fait de venir à la Djama, de venir prier à la mosquée et tout ça, ça fait pas partie de notre vie privée. Ça fait partie de notre foi, de notre religion. Et on doit s'encourager et s'entraider. Et il faut compétitionner dans le bien. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit « Sabiqou, hein, sari'ou ». Et c'est comme il nous encourage à compétitionner entre nous. Même qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit « Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ». C'est dans cela que ceux qui veulent compétitionner doivent compétitionner. Hein, al-munafasa, de vouloir essayer d'être meilleur que l'autre dans le bien. Faire plus d'efforts que lui pour arriver à obtenir plus de biens. Hein? Sans bien entendu souhaiter que l'autre diminue ou qu'on enlève du bien à l'autre, non. Tu vois? Dans ce sens-là. Après, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit « Wa tariqatul muraja'ati ma yali » Et la façon de reviser, c'est la suivante. C'est-à-dire quand tu vas reviser avec quelqu'un d'autre et que tu revises les différentes moutounes que tu as appris. Il dit « Raji' kulla yawmin safhatayn wa qara'ha hifzan 20 marra » Donc ça, c'est pour qu'est-ce que tu as déjà mémorisé. Il dit, tu revises chaque jour 2 pages et tu les lis de mémoire 20 fois. Les 2 pages, tu les lis chaque fois 20 fois. Subhanallah. Deuxième point. وفي الغد وقبل أن تبدأ في المراجعة الجديدة اقرأ حفظا ما راجعته أمس 5 مرات. Donc il dit, le lendemain, avant de commencer la nouvelle partie de ce que tu veux reviser, eh bien, il dit, relis de mémoire ce que tu as révisé hier 5 fois. Hein? Troisième point, ثُمَّ ابْدَى فِي الْمُرَاجِعَةِ الْجَدِيدَةِ بِمِقْدَارِ صَفْحَتَيْنِ حِفْظًا 20 مَرَّةً وَهَكَذَا سِرْ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِلَى نِهَيَةِ الْمَتْنِ. Il dit, puis commence la révision, la nouvelle révision que tu veux faire. Il y en a tu fais 2 pages et tu le récites de mémoire 20 fois. Et tu continues de cette façon-là chaque jour jusqu'à ce que tu termines le matin. Ça, c'est-à-dire avec la personne avec qui tu revises. وَإِذَا انْتَهَيْتَ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْمَتْنِ الْأَوَّلِ فَقْرَأْ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهُ 5 صَفَحَاتٍ حِفْظًا حَتَّى تَنْتَهِي مِنْهُ. Il dit, et lorsque tu as terminé de ta révision du premier matin, il dit, lis chaque jour de ce matin 5 pages de mémoire jusqu'à ce que tu termines. Cinquièmement, إِذَا رَجَعْتَ 5 صَفَحَاتٍ مِنَ الْمَتْنِ الْأَوَّلِ فَابْدَ فِي مُرَاجَعَةِ الْمَتْنِ الثَّانِي كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَتْنِ الْأَوَّلِ. Donc il dit, lorsque tu as terminé de reviser 5 pages ou de lire 5 pages de mémoire du premier matin, commence maintenant ta revision du deuxième matin et fais comme tu as fait pour le premier. Fais comme tu as fait pour le premier. Sixièmement, توقف يوما في الأسبوع عن المراجعة الجديدة واقرأ حفظا ما راجعته في الأسبوع. Il dit, prends un jour, yani pendant un jour, arrête-toi de faire ta nouvelle révision et pendant ce jour-là, revise ce que tu as révisé, récite de mémoire ce que tu as révisé pendant la semaine. Et septièmement, إِذَا أَتْقَنْتَ الْمَحْفُوظِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ فَلَا يَمْضِي عَلَيْكَ شَهْرٌ إِلَّا وَقَدْ رَاجَعْتَهُ كُلَّهُ حِفْظًا. Donc il dit, si tu as maîtrisé ce que tu as mémorisé de cette manière, eh bien tu ne vas pas passer, il n'y a pas un mois qui va passer, excepté que tu auras revisé la mémorisation de tout ce que tu as appris. Après, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est ça. Ça, c'est la fin de qu'est-ce qu'il donne comme explication pour le matin en question. J'ai fait une photo de la page où il y a tous les moutons dans de Mustawa Awal, Thani, Thalith, Rabi' et Khamis. Comme ça, je vais pouvoir la mettre sur le groupe. Après, avant de rentrer dans le sujet de ta question, juste pour terminer, non, pas là-bas sur place. Oui. Donc, avant de rentrer dans ce sujet des études à Médine, c'est certain que d'étudier à Médine, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma parce que c'est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas prier dans la mosquée du prophète. Et en plus, et en plus, il y a des ulama là-bas, des grands ulama, de qui tu peux profiter pour étudier la science. Donc c'est une ni'ma, si tu peux y aller, d'y aller et de profiter de la science là-bas. Bien entendu, c'est bon de connaître la méthodologie et aller pour apprendre, pour étudier. Comme ça, tu vas vraiment profiter. Si tu suis cette méthodologie-là, et en même temps tu suis les cours de l'université avec, en plus, Inch'Allah, tu vas sortir avec un grand bien. En tout cas, c'est ça. Qu'est-ce que je veux faire dans les cours de, dans les périodes de mémorisation et de révision, c'est ça. C'est qu'on choisisse des moutons, puis qu'on les mémorise ensemble, qu'on les revise ensemble, puis qu'on les étudie ensemble. Aussi, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est prendre des durus des ulama enregistrés en arabe pour ceux qui connaissent l'arabe, puis qu'on s'assoit ensemble pour étudier. C'est-à-dire qu'on va prendre les audios, on va les écouter ensemble, on prend des notes, comme si le cheikh il était là avec nous. Ça, c'est dans les moments où on n'aura pas, c'est-à-dire dans les moments où on n'aura pas la possibilité, parce que des fois, j'ai l'intention plus tard, Inch'Allah, si c'est possible, qu'on ait des communications par téléphone avec des shuyukh qui vont nous donner des conférences de temps en temps. Hein? Donc si ça c'est possible, dans ce cas-là, alhamdoulilah, on va le faire live. Mais sinon, si c'est pas possible, c'est pas grave. Il y a des durus des ulama enregistrés, des séries complètes. Hein? Donc si on peut profiter de ça ensemble, étudier les durus des ulama, en plus des cours qu'on fait en dehors de ça, ça c'est quelque chose qui va être très bénéfique. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui comprend l'arabe ou qui comprend les paroles des ulama en arabe. Donc, pour ceux qui sont plus avancés, qui connaissent un peu l'arabe, ça va être bon. Puis, ceux qui sont arabophones, bon, eux, ils vont pouvoir en profiter encore plus, Inch'Allah. Puis c'est ça. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je propose pour les frères, Inch'Allah. Donc, on va en discuter, Inch'Allah, on va en parler entre nous. Pour savoir par quoi commencer. Moi, je me disais que, étant donné qu'on fait en ce moment le sharh de Umdatul Ahkam, pourquoi pas commencer à essayer de mémoriser les hadiths de Umdatul Ahkam. Il y a 420 et quelques hadiths, donc c'est pas beaucoup, si on regarde, c'est pas beaucoup. Et c'est des hadiths sur les règles de l'adoration, sur yani, al-tahara, salat, zakat, soum, Hajj, après il y a al-buyu', et après il y a al-zawaj, al-nikah, talaq, et toutes les autres règles yani, qui ont rapport avec l'islam, al-fara'id, et ainsi de suite, al-hudud, et ainsi de suite. Donc il y a tous les chapitres. Donc je pense que c'est un livre qui est vraiment important et bénéfique. Si on le mémorise puis qu'on le comprend ensemble, ça va être très très très bénéfique. Puis, Inch'Allah, donc, ça c'est ce que je propose. Sinon, il y a aussi les livres, bien entendu, Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba'a, qu'on doit mémoriser pour les frères qui ne l'ont pas encore fait, même s'ils ne sont pas encore arabophones, mais c'est toujours possible pour eux de les mémoriser. Al-Arba'un al-Nawawiyya, ça aussi. Mais de toute façon, on n'est pas tous obligés de mémoriser tous les mêmes livres en même temps, chacun selon son niveau. Ou ceux qui ont déjà mémorisé ça, ils peuvent passer à autre, puis essayer de trouver quelqu'un qui va reviser avec eux, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, Inch'Allah. Donc on va essayer de faire ça, bi'ibnillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.